With me, you're the reason I believe, and when I'm down, you pick me up. You've got a heart that's full of love. When I wake, you're all I see. You're the reason I believe, and let me sit for a while. The blackbirds sing and let me feel the morning sun. Lord, let me see one more spring. When I'm lost, you're by my side. And when I cry, these tears you dry. When I wake, you're all I see. You're the reason I believe, and let me sit for a while. Hear the blackbirds sing, and let me feel the morning sun. Lord, let me see you on more spring. And when I'm lost, you're by my side. And when I cry, these tears you dry. When I wake, you're all I see. You're the reason I believe, and let me sit for a while. Hear the blackbirds sing, and let me feel the morning sun. Lord, let me see you one more spring. Let me sit for a while. Hear the blackbirds sing, and let me feel the morning sun. Lord, let me see you one more spring. Lord, let me see you one more spring. Lord, let me see one more spring. Hello and welcome. Bonjour à tous et toutes, c'est la Croisière Folk, une émission qui vous fait voyager en musique et puis aussi découvrir toutes les facettes de la musique folk. On a démarré cette émission avec Nigel Smith, Lord, Let Me See One More Spring. C'est sa deuxième chanson et c'est en fait un hommage à sa belle-mère. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook Nigel Smith Music. Et puis sachez qu'il fait partie de tous ces artistes qui se produisent dans un bateau et que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube The Narrow Boat Session. Allez, on poursuit avec Dame Timinski, Let Me Fall, extrait de son album Live from the Ryman, nouvel album. Sachez qu'en plus de 30 ans de carrière, carrière, Dan a laissé son empreinte dans tous les domaines de la musique moderne. La voix de Timinski accompagne l'interprétation par George Clooney de la chanson classique des frères Stanley, I'm a Man of Constant Sorrow, dans le film Oh Brother, Where Art Thou? Et bien sûr, sa collaboration avec le DJ suédois Avicii sur la chanson Hey Brothers, qui a connu d'ailleurs un succès mondial parce qu'elle a été diffusée plus d'un milliard de fois à ce jour. Autre nouveauté, c'est Jerry Douglas avec un extrait de son album The Set, nouvel album, From Ankara to Izmir. Et puis il y aura aussi Clannad avec Robin the Hooded Man. C'est le 40e anniversaire de leur album Legend. Et donc il y a un nouvel album qui est sorti avec plein de nouveautés, plein de morceaux qui n'étaient pas sur le premier. Et en fait, cet album Legend, c'est la bande originale de Robin of Sherwood, la célèbre série télévisée britannique des années 80, basée bien sûr sur la légende de Robin des Bois. J'espère que vous allez passer une croisière très agréable. Allez, installez-vous, faites-vous une tasse de chocolat chaud. La musique démarre maintenant. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Allô, j'écoute. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis sur le point de... Oui. De pirater un film. Ah. Je vais craquer. Aidez-moi. Oui, bien sûr. Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'ARCOM. La croisière folle. Good vibrations. Thank you. Thank you. l'instant dans la croisière folk, c'est Clannad avec Robin. Et tout de suite, la découverte de l'album avec 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est la découverte du cinquième album des sœurs Rowan et Anna Regans, Start Close In. Cet album marque un tournant radical et expérimental dans leur carrière musicale. Il s'ouvre avec Devils, une réinterprétation de la ballade folk The Devil and the Farmer's Wife, avec des sons saisissants mêlant un tambour traditionnel pyrénéen et un alto distordu. Le morceau célèbre la force des femmes avec des voix brillantes au milieu de ce chaos sonore. Il est produit par Adam Pietrokowski. C'est un album qui explore des paysages sonores variés, influencés par différentes cultures européennes. Des morceaux comme Livet Beoveringa Droger, qui est inspiré d'un festival folk suédois, ou encore Si Sabiats Droleta, c'est une bourrée occitane, montre cette richesse d'influence. L'album trouve aussi la douleur avec Over and Over Again sur le besoin de résilience face à la guerre et un voltigeur, une chanson des Pyrénées sur l'amour et la confiance. Et de cet album des Regans Sisters, Start Close In, on écoutera trois morceaux, Drink Up, Old Neptune et un voltigeur. Si vous aimez l'album, eh bien, n'hésitez pas à l'additionner à votre discothèque folk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la la la la. Feasting on love, drinking it up while everything's closing. Everyone's on the hill, everyone's running, everyone's ill. The sun beating on everyone's brow. The joke, guess everyone's in on it now. It's sinking in, everyone's waiting for someone to sing. And then everyone stares, everything starts, everything is ending. Job is a compromise. Swim, everyone synchronize. Strike, everything stops and starts. Everything's firing fake little hearts. Everyone's running away from the sharks. The sharks are poking their fins out the drain. Cover, duck, cover. Everyone feels it moving underneath. Everything's rocking the boat. Hold it now, everyone steady. Just keep it afloat. It's sinking in. Everyone's waiting for someone to sing. And then everyone stares, everything starts, everything is ending. Everyone's tumbling in from the rain. Everyone's off to see Dylan again. Clouds, everyone's rushing around. The idiot rain is heavy. Everyone's cold cause they're wearing the wrong thing. Everyone's smoking just to feel warm again. It's sinking in. Everyone's waiting for someone to sing. And then everyone stares, everything is ending. Thank you. L'album du duo, The Rangan Sisters, Start Close In. Et avant de passer à Maurice Carême, eh bien, je voudrais quand même vous signaler que si vous avez envie de nous suivre sur la page Facebook, eh bien, elle s'appelle La Croisière Folk. Et entre autres, le premier morceau de l'émission que vous avez pu entendre, Nigel Smith, Lord, Let Me See One More Spring, eh bien, vous pouvez le voir en vidéo sur notre page Facebook. Il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez voir également sur cette page Facebook, La Croisière Folk. Et pour nous contacter, le mail lacroisierefolk@yahoo.com. Tout de suite, Maurice Carême, vous le savez, on fête le 125e anniversaire de sa naissance. Et toute cette année 2024, eh bien, on vous fait découvrir ses poèmes. Aujourd'hui, c'est Rue des Fontaines. C'est un poème dans lequel Maurice Carême évoque la nostalgie de l'enfance et du temps qui passe. Au travers d'une description simple mais poignante de la rue où l'auteur a grandi, il peint un tableau de son passé avec ses souvenirs liés à des éléments quotidiens comme des maisons, des fontaines et des enfants qui jouent. Il dépeint cette rue comme un lieu figé dans le temps où l'innocence et les premières expériences de la vie se sont déroulées. Le message principal est une réflexion douce et mélancolique sur l'enfance perdue et le temps qui ne revient plus. Avec un sentiment de tendresse et de souvenir, c'est un poème qu'on peut lire dans le recueil de Maurice Carême qui s'appelle « Mère », publié en 1943. Et puis juste après, il y aura Douline avec « A Night at the Galway », Les Croquants également, avec « On n'est pas là pour se faire engueuler », extrait de leur album « Le Grand Café », album de 2014. Alors, Les Croquants, eh bien, c'est un groupe de folk français qui est formé par Danito et M. Kiff, autrement dit Franck Marty. Les musiciens sont issus de la scène alternative et ils font des reprises festives des standards de la chanson française. Leur nom, les Croquants, désignait le peuple qui se révoltait dans le sud-ouest de la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Le journal français L'Humanité parle des membres de ce groupe, donc de Kiff et Danito, qui disent « ils misent sur deux points l'audace et l'authenticité ». Rue des Fontaines, je suis né un grand jour de peine, mais né dans la rue des Fontaines. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais au pré, le linge était blanc, et la dille passait tout près, avec des fleurs à son corset. Lorsque ma mère l'entendait, ma mère aussi chantait, chantait. Peintre, mon père montait au ciel, l'échelle était son hirondelle. Et là, au milieu des oiseaux, il apprenait des airs si beaux qu'il faisait, sans main ni cordeau, balancer tout seul mon berceau. Que voulez-vous ? C'est en chantant que chez nous, l'on devenait grand. J'ai donc chanté, roule les billes, vive la sauge et l'origan. J'ai souvent chanté comme on prie, et chanté parfois, en pleurant, comme l'anémone Sylvie tremblant en avril dans le vent, et chanter aussi pour chanter, simplement, comme va la vie, chanter comme le roseau plie, comme lui, la lune d'été. One, two, three, four. Well, I met Todd and Julia on a Wednesday afternoon. We drank some pints together and dreamed for a rendezvous. We ran short of the session and took away, except the most beautiful pair of blue eyes I had ever seen. And she leaned up its way off on the last set of the day, and a grinning steam of hope from the skies of life I gave. My friend Kelly shook me out when I was looking out the street. And that was the day my mother saw the weed. Oh, come on! Oh, as the night came down, we're ready for a cab to lead us on our way. But you find this about you and a drink or two when everyone will scream along. Happy boy here, happy boy there, new tunes and a brand new kid. The whole boss came crazy and screamed the boss, and I said she never ends. And I said to us, shut up though, what I was looking at in this read. And now should send them for. Some dirty old pals fill the lounge, or maybe on a TV show. Too shy to watch them when they're drunk to tell. I was waiting for some information, I finally came to draw. When an hour later, text came to me, I'm cursing them along the way. Like even rather something, but exactly a good until. When the tune got to end, I was looking at me sleep. Jesus fucking Christ, my mother stole our weed. But remember before we part, I'll never let it back to no round packers in my still out once. Oh, we meet again, the similar on everybody always grieve. Remembering the day my mother sold our weed. Remembering the day my mother sold our weed. La croisière folle. What a wonderful. Matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde restait toujours chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous on reviendra pas. Hey le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un hectare de première. On est sorti très à l'aise, mais voilà que j'ai eu l'idée de ramener chez moi. Mais j'ai compris devant rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu faire une petite melotte. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour la fête à mon pote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait du tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne tortille pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Pa-da-pa-pa-ye. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire refouler, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous jetez les ivrognes à la porte, il n'a pas brossé beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était pas tant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Para papai. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Je vous rappelle une fois de plus, si vous avez envie de nous envoyer un mail, lacroisièrefolk@yahoo.com en un mot. Si vous avez une extinction de voix. Voilà, on va vous donner dans cette minute astuce, eh bien, le truc pour extinction de voix. Alors, le plus souvent bénigne, une extinction de voix n'est pas moins gênante. Alors, pour s'en soulager, faites chauffer au bain-marie 50 g de fleurs de camomille avec 50 centilitres d'huile d'olive vierge durant 2 heures. Laissez reposer et refroidir, imbibez les compresses avec cette préparation et posez-les sur votre gorge plusieurs fois par jour et le mal de gorge devrait donc disparaître. Allez, on poursuit avec El Pony Pisador et le duo Tartarellena et le morceau Strelitzia. Alors Tartarellena, c'est un duo de folk catalan et El Pony Pisador, c'est un groupe musical de Barcelone qui mélange différents styles de musique folk et traditionnelle du monde entier, notamment de la musique celtique, des chants de marins, du bluegrass, de la tarentelle et du yodel. Le nom du groupe fait référence à l'auberge que l'on trouve dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, le poney cabré qu'on appelle El Pony Pisador dans la traduction espagnole. Et la participation de Tartarellena, ce duo donc folk catalan, dans ce morceau Strelitzia, eh bien, c'est un morceau qui combine des harmonies bulgares et géorgiennes avec des éléments de la tarentelle italienne. Voilà, vous le savez, dans cette émission La Croisière Folk, on voyage beaucoup et je trouve que ce morceau est vraiment représentatif de ce voyage. Dans le même morceau, on trouve des tas de composants et c'est bien parce que les voyages forment la jeunesse. Et juste après, il y aura Ange Hardy avec A Girl Like Her. J'espère que vous passez un excellent moment. La Croisière Folk, c'est votre balade musicale qui vous ouvre l'esprit et qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk parce que le folk, ça n'existe pas. It's comme la flore. L'amor quan vinguis et podrà endur el forat i mentre hi hagi dies tinc l'esperança tal que aquesta melodia et farà oblidar tot mal. Demà quan el sol marxi ballaràs sense rancor i amb aquesta energia tombaràs la pobra flor. La miraràs encara però ja seràs diferent que aquesta melodia t'haurà tornat resplendent. Lai, lai, lai. La croisière folle. To boldly go where no one has gone before. Hey you! Ça y est, c'est fini. Et voilà, comme chaque semaine, bien sûr, la croisière arrive à destination. Et j'espère que vous avez passé une heure agréable en compagnie de l'émission. Je ne sais pas très bien ce que vous faites hein, durant l'émission. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Eric, non, pas Eric. Je ne vais pas vous donner l'adresse perso. lacroisièrefolk@yahoo.com. La croisière folk en un mot sans accent. Et vous me dites un peu ce que vous faites durant cette émission. Est-ce que vous faites la vaisselle, la cuisine, vous vous installez confortablement avec le chat sur vos genoux. Altan pour se quitter avec Girl from the North Country et cet extrait de leur album Another Sky, album de l'an 2000. J'espère que, eh bien, si vous aimez, vous pourriez aussi l'acheter. Et comme ça, ça vous fera un album de plus dans votre super discothèque folk. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. J'ai glissé, chef. Ah merde alors, comment on dit comment ça? Comment ça merde alors? But alors, you are French? La croisière folk. To infinity and beyond! If you're traveling in the North Country Fair, where the wind stands heavy on the border night, remember me to the one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go when the snowflakes start, and summer ends, we see she has a heart so wild to keep her from the howling winds. You see, and flows all down her breast. Please see for me if her hair hangs long, for that's the way I remember her best. Thank you.